Desperados, la famine. Hey yo Despo, j'sais pas si toi aussi ça fait la même. Mais les frères ne cessent de me regarder comme si les caisses dans le clip prototype étaient les miennes. Pense dur comme fer que j'ai percé, que je suis arrivé au top, je m'y crois que j'ai salement encaissé. Depuis Bolide 2 et Autopsie 3, mais s'ils savaient que j'n'en suis qu'à deux doigts de retourner au casse-pipe, j'vois l'avenir flou comme à travers des éclats de vitres. Je les laisse fantasmer sur nos vies comme si on était des mythes. Je laisse surtout les haineux jacter qu'ils vont nous ken comme s'ils avaient des bites. Qu'ils haïssent ou qu'ils aiment, on s'en tape tant qu'ils craignent. J'assume mon envie de faire du bifta, n'en déplaise à quelques bitches. Car au cas de mes détracteurs, on fera bouffer mes gosses. Amasse le plat, quand l'opinion me descendra, personne ne défendra mon seul plat. Ceux qui rageront que je sois au top, disant que j'ai changé envers eux, seront les mêmes qui, si je me loupe, me traiteront comme le dernier des cancéreux. S'ils savaient à quel point d'eau s'en branle sérieux, je suis tellement au-dessus de tout ça, d'où je suis, je peux leur cracher dans les cheveux. Si je veux, ici je me sens comme un punchliner incompris, frère. Un innocent où je tarde, dont personne ne sait à quel point il dit vrai. Ceux qui se trouvent devant moi sont pas forcément ceux que je suivrai. Ceux qui se placent derrière moi, je suis pas forcément. Je m'en sûr que je les guiderai. Je ne suis qu'un poète maudit que les ghettos you t'écoutent. Pour l'industrie, je suis qu'un produit. C'est réciproque, donc je le prends cool. Ça, c'est une minute d'applaudir. Relativise un coup. Demande à tes rappeurs favoris. C'est les contrats de pub et les disques d'or. Achète, tu n'as rien à dégrade. Il est au passe du crack qui reviennent de Prat. Seul bronzé, rouge comme des crabes. Je rappe, je suis même pas imposable. L'âge d'or du rap d'ici, on m'a offert le livre. Tourner les pages impossibles. Le mec s'était trop branlé dessus. On rate nos vies, nos morts, nos amours, nos guerres. On est les boomers des quartiers, pas leur perroquet. On les représente, ils paient les Américains. Pas de compte à rendre, ils croient que le rap et la rue, c'est à leur grand. J'ai grandi trop modestement pour vouloir du statut de bénévole. Rien ne se fait pour la gloriole, que tu tapes dans le deal ou dans le vol. Ce n'est pas que je rappe que pour le fric, mais je ne rappe pas contre non plus. Qu'importe les commentaires de nos lives qui éjaculent leur frustration sur tous ces forums de mon cul. Mes frères nous demandent d'être ce que eux voudraient qu'on soit, mais je suis trop moi pour n'être qu'un produit de leur fantasme. Trop vrai dans ce que j'écris, ne me parle pas que ces rappeurs en toc. J'assume mes textes les plus provoquent, peut-être même mieux que si j'avais mis ma propre fenêtre en cloque. Mon pote me répète qu'avec notre manière de voir le bus, on serait au stage que des grosses têtes auraient déjà misé sur nos chaises. Je m'en suis toujours battu les couilles de leur ondie, hein. Et maintenant j'ai grandi, avant je les emmerdais, donc aujourd'hui je les baise. Et encore je suis gentil, ça critique ouvertement, mais ça suce, j'enchète casse à braille. Mais ça n'achète pas, ils se plaignent, le rap c'était mieux avant. Laisse ça, à chaque disque on rejoue nos carrières, à chaque pute on risque le boycott. Tu les tous et les vrais reconnaîtront les vrais. Fuck off. Ne comprendront que ceux qui doivent comprendre, cousin. J'ai pas encore graille, mais j'y travaille. Pour l'instant, je suis encore inscrit au Pôle emploi comme Bruno Bozir. Y'a que sur Facebook que mon compte est presque plein, je te cache pas. Que les rappeurs stop la démago, enfin je dis ça, je te clash pas. J'ai l'amour pour le hip-hop, mais aussi pour le cash, papa. Despo, on dit quoi? Y'a rien à dégrade, il est au pince du crack qui reviennent de Prat. Seul bronzé, rouge comme des crabes. Je rappe, je suis même pas imposable. L'âge d'or du rap d'ici, on m'a offert le livre. Tourner les pages impossibles. Le mec s'était trop branlé dessus. On rappe nos vies, nos morts, nos amours, nos guerres. On est les boomers des quartiers, pas leurs perroquets. On les représente, ils paient les Américains. Pas de compte à rendre, ils croient que le rap et la rue, c'est à leur grand-mère. Y'a rien à dégrade, il est au pince du crack qui reviennent de Prat. Seul bronzé, rouge comme des crabes. Je rappe, je suis même pas imposable. L'âge d'or du rap d'ici, on m'a offert le livre. Tourner les pages impossibles. Le mec s'était trop branlé dessus. On rappe nos vies, nos morts, nos amours, nos guerres. On est les boomers des quartiers, pas leurs perroquets. On les représente, ils paient les Américains. Pas de compte à rendre, ils croient que le rap et la rue, c'est à leur grand-mère ou quoi.